Chapitre 6e. Chez soi, tout est sombre comme la nuit. Bonsfort, selon la résolution qu'il avait annoncée le soir, quitta l'abbaye de Scarsdale dès que le plus faible rayon de lumière commença à percer un ciel gris et froid. Il sortit tranquillement par la petite porte de côté par laquelle il était entré la première fois à l'abbaye et marcha sous les étoiles qui s'affaiblissaient tandis que la grande horloge des écuries sonnait 6 heures. À peu près à 100 mètres de la maison, il s'arrêta court et se retourna pour regarder la longue rangée de croisées dont les volets étaient fermés et les jalousies baissées. Tout était noir, tout était sombre. Aucun œil pour surveiller son départ, aucune pâle figure où le regret brilla sur lui, comme les pâles étoiles plus haut dans le ciel, rien. Il contemplait la noire maison, puis l'étendue du ciel. Ah, là-bas, l'aurore commençait à poindre, encore faible cependant, mais devenant plus brillante à chaque minute qui s'écoulait. Accepterai-je cela comme un présage, pensa-t-il. Ici, rien que les ténèbres, mais là-bas, la lumière. Mon sort est-il donc si dur que je dois me révolter contre la main qui m'a imposé mon fardeau? Il y a des hommes qui, de leur propre volonté, pour l'amour de Dieu ou de leurs semblables, ont joyeusement supporté des maux aussi grands que les miens. Il faut que je me rappelle cela quand l'esprit rebelle s'élève dans mon sein et demande « Pourquoi donc souffrir ainsi ?» Pendant 3 jours et 3 nuits, Pansford disparut du voisinage de Scarsdale. Il parcourait toutes les routes solitaires du pays sous un triste ciel de novembre, marchant avec constance la figure exposée au vent froid de l'automne, souvent à la pluie, au grésil, à l'obscurité, tantôt parlant à quelques vagabonds fatigués, s'appuyant épuisé sur son bâton, tantôt échangeant quelques mots joyeux avec des villageois qui passaient, parfois tout à fait seul pendant plusieurs heures de suite, mais continuant toujours à marcher posément comme un homme qui s'est chargé trop à la légère de faire 100 000 pendant une centaine de demi-heures consécutives. Il était très tard, le 4e jour après son départ de l'abbaye, lorsque le locataire de Sir Gaspard rentra à l'ermitage. Il revenait à cette simple demeure, harassé et fatigué par le voyage. Tout était préparé pour son retour. Des bûches de pin brûlaient brillantes sur un feu joyeux. Une lampe à abat-jour était sur une petite table garnie et apprêtée. Un vieux fauteuil rongé par les vers était roulé près du vaste foyer. Le clair de lune, en passant par les barreaux du bas de la croisée, tombait en bande oblique sur le parquet de chêne poli qui était ou n'était pas taché du sang le plus pur du chevalier de la tradition. Cette pièce paraissait très confortable, éclairée à demi par la clarté solennelle de la lune et à demi par la flamme rouge du feu. C'était une aussi bonne réception que le voyageur solitaire était en droit d'espérer. Et cependant, mon Dieu, combien elle semblait froide et triste au locataire de Sir Gaspard. Les dos de ses livres, sur lesquels se lisaient leurs titres, brillant ou se rembrunissant à la lumière vacillante du feu, semblaient lui sourire, comme s'ils avaient dit « Contemple-nous, les amis inoffensifs, qui ne connaissent pas la fatigue. » Les silencieux consolateurs dans l'intimité desquels il n'y a que du bonheur et pas de danger caché. Le placide domestique de Pansford entra dans la chambre et fit un peu de bruit en ouvrant et en fermant la porte. Il trouva son maître près du foyer, le coude appuyé sur l'angle du manteau de la cheminée, les yeux baissés tristement sur le feu. « Vous êtes fatigué, monsieur, » dit-il en allumant la lampe. C'était une lampe pour lire, ayant un grand abat-jour vert qui n'éclairait la chambre que d'une lumière adoucie. Mais même à cette douteuse clarté, André Milward, le valet, vit que la figure de son maître était plus pâle que d'habitude et qu'il y avait quelque chose de fatigué dans ses yeux et dans sa bouche, qui ne s'était jamais montré depuis le premier mois du retour du voyageur en Angleterre ou quelque temps après. « Oui, je suis très fatigué. » J'ai parcouru de grandes distances et marché pendant de longues heures tous ces jours-ci. Vous donnerai-je quelque chose, monsieur? Oui, donnez-moi une tasse de thé, la consolation infaillible des vieilles femmes et des vieux garçons. Il est inutile de me regarder avec tant d'inquiétude, mon cher Milward. Vous devez penser qu'un homme doit paraître un peu éreinté après avoir fait 90 milles dans un pays montagneux en 4 jours, par un temps très incertain. Donnez-moi ce thé aussi vite que vous le pourrez. Comment trouvez-vous cet endroit depuis que les maçons y ont fait des réparations? Ils n'ont pas gâté le style Moyen-Âge. Je suis très content de le voir. Il n'y a pas de changement important? Non, pas du tout, monsieur. De nouveaux parquets, de nouvelles rampes à l'escalier, de nouveaux châssis aux fenêtres, une nouvelle souche de cheminée et quelques poutres çà et là, où la maison semblait ébranlée. Mais toutes ces choses tout à fait dans le vieux style, monsieur. Bansford se retira dans sa chambre à l'étage supérieur et fit sa toilette qui impliquait beaucoup d'eau froide, un complet changement de linge et la substitution de son ample redingote du matin à sa jaquette de chasse en velours qu'il avait l'habitude de porter dans ses excursions. Il était seulement 9 heures et le locataire de Sir Gaspard avait une longue soirée solitaire devant lui. La première soirée solitaire après tant d'heures passées avec sa brillante et sympathique compagne. Il retourna à son salon. La vieille théière originale était à sa place accoutumée dans les cendres. Un rideau fané en étoffe rouge était tiré devant la croisée et interceptait l'éclat de la lune, et les boiseries en chêne reflétaient seulement la joyeuse clarté du feu. Bransford remplit et alluma sa pipe, prit un livre au hasard sur la tablette la plus rapprochée de lui et commença à lire. Combien de lignes lut-il? À peu près 20, peut-être. Alors la main qui tenait le livre tomba doucement à son côté, son orgueilleuse tête s'affaissa sur sa poitrine, et ses yeux noirs se fixèrent tristement sur les bûches qui brûlaient. Et dire que j'éprouvais tant de peine en cette demeure, murmura le locataire de Sir Gaspard. Qu'ai-je perdu? Qu'ai-je donc perdu depuis que pour la dernière fois je me suis assis à ce foyer? Il ne put trouver aucune réponse à cette question. Il s'était décidé à abandonner une résolution qui avait été presque un vœu, et il payait le prix de sa folie. « Ah, fou, fou, fou » murmura-t-il tout à coup. « Fou de n'avoir pas mieux prévu le péril d'une telle société, l'horreur d'un tel contraste. » Il retourna son livre avec un soupir de fatigue. C'était un délicat petit chef-d'œuvre de l'art typographique, un tout petit volume de littérature classique publié par Firmin Didot. Une folie ruineuse, pour un homme aussi pauvre que le locataire de Sir Gaspard, un volume à mettre l'eau à la bouche de tout amateur de livres qui a des désirs d'épicurien. Mais la main de Bransford tomba à son côté pour la seconde fois. Ses regards mécontents retournèrent au feu, sans être charmés par les délicates majuscules, ni par les caractères perlés, ni par les bizarres lettres initiales imprimées en encre rouge. Il remit le livre à sa place, et commença à se promener doucement de long en large dans la chambre en croisant les bras et en baissant la tête. Ses deux sourcils contractés sur ses yeux pensifs semblaient ce soir-là remplis de sombres pensées. Les lignes profondes qu'il avait autour de la bouche semblaient s'accuser de plus en plus à mesure que le locataire de Sir Gaspard montait et descendait cette pièce à peine éclairée. J'ai vu la chambre où Martin Luther jeta sa bouteille d'encre à Satan, murmurait Bransford en allant et venant. Mais personne ne nous dit si le diabolique intrus comprit l'avertissement et s'enfuit. Il y a des diables qui ne peuvent pas être chassés par des bouteilles d'encre, ni par des courses de 90 milles dans un pays de montagne. Il marcha ainsi dans la chambre près d'une heure, toujours avec le même pas lent et ferme, la tête baissée et ses sourcils formant toujours le même sombre froncement. Puis, avec un soudain mouvement d'impatience, il posa la lampe du côté de la table où il y avait un pupitre en acajou à l'ancienne mode, avec des garnitures de cuivre au coin et pourvu d'une formidable serrure. Il ouvrit le pupitre, prit une main de papier du plus petit format, trempa sa plume dans l'encre et commença à écrire. L'Ermitage, Scarsdale, près de Roxborough, le 30 novembre 1855. Cher Williams, voulez-vous faire immédiatement des démarches pour vous assurer de l'endroit où se trouvent certaines personnes, de sa manière de vivre actuelle, de son entourage, enfin de tout ce qui la concerne? J'ai des raisons pour... Là, le locataire s'arrêta brusquement et commença à mordre le bout de sa plume de cette manière distraite, particulière à quelqu'un qui écrit et qui trouve quelques difficultés à continuer son épître. La difficulté que rencontrait Pounsford paraissait d'une nature insurmontable, et en quelque sorte au-dessus de sa patience, car il déchira la demi-page écrite, la mit en morceaux et les jeta au feu. Alors, s'inclinant sur son pupitre avec l'air de mauvaise humeur qu'il avait eu pendant toute la soirée, il ouvrit d'abord un compartiment, puis un autre, de la manière distraite et paresseuse d'un homme qui n'a nul motif pour agir comme il le fait. Il y avait le contenu ordinaire d'un vieux pupitre dans ces deux compartiments. Il y avait les paquets traditionnels de lettres flétries qu'il est si difficile de regarder sans un vague sentiment de regret, car il est plus que probable que plusieurs de ceux qui les ont écrites sont morts. Extrêmement probable que la plupart sont changés et rougiraient en voyant les fades protestations et les promesses mensongères du passé, en se ressouvenant avec amertume combien elles ont été crues. Et caché sous ces paquets de lettres, il y avait une chose de laquelle la main errante du locataire de Sir Gaspard recula avec un mouvement d'effroi, comme si, en la mettant insoucieusement au milieu des feuilles desséchées, il l'avait posée légèrement sur un serpent. Sa main recula, et sa figure bronzée devint livide. Mais après un moment d'hésitation, la main ramena le reptile à la lumière. C'était un serpent d'aspect très innocent. Ce n'était qu'une boîte en maroquin rouge, plate, carrée et un peu démodée. C'était évidemment l'étui d'une miniature appartenant à une époque antérieure, au jour où la science des photographes apparut pour supprimer les simples artistes qui peignaient de jolis visages souriants, toujours niaisement, très roses dans les lumières, très bleus dans les ombres, et ressortant d'un fond pointillé de terre de sienne brûlée. Pounsford ouvrit la boîte et regarda la miniature. Le serpent était un très joli reptile. La Mia de Keats peut à peine avoir été plus jolie d'aspect que n'étaient les deux figures qui souriaient du même sourire sur ce morceau d'ivoire peint. Oui, deux figures et cependant le même visage. La double image de deux sœurs jumelles souriait au soucieux locataire de l'ermitage. Ces miniatures étaient extrêmement bien faites et jamais de plus charmantes figures n'avaient rayonné sur un froid ivoire inanimé. Les deux sœurs étaient dans la première fleur de la jeunesse, la plus fraîche splendeur de la beauté. Leurs yeux noirs brillants étaient aussi dangereux et aussi charmants que ceux avec lesquels Judith doit avoir surveillé le sommeil d'Holoferne, que ceux de Cléopâtre considérant la perte de Marc-Antoine. Leur nez, du type aquilin, dont leur caractère orgueilleux donnait une grandeur de reine à ces jeunes figures. Leurs lèvres pleines et rouges rappelaient ces beaux fruits veloutés mûri sous un soleil méridional, mais dans leur expression il y avait quelque chose de mystérieux qui aurait fait fuir les physionomies frappées de méfiance et d'horreur, des flots de cheveux noirs tombaient en liberté sur des épaules de neige, des bras arrondis s'entrelaçaient dans un embrassement fraternel. Les sœurs sont toujours très fraternelles en peinture. Telles étaient les choses que Pounsford contemplait avec ce froncement de sourcils et cette lueur dans les yeux. Tout à coup, il serra les dents avec colère, et les yeux toujours fixés sur les deux visages, il cria tout haut « Vipères jumelles, éclose dans votre odieux nid pour la perte des honnêtes gens, créés pour blesser et torturer le sein qui vous abrite. Où pouvez-vous être, vous, la vivante et vous, la morte? Que Dieu fasse miséricorde à vos fautes, dont je ne puis pas être touché. Non, j'ai lutté avec le diable, mais il est trop fort pour moi, et je ne puis pardonner. Ô toi, mon Dieu, qui as prié sur la croix pour tes ennemis, et tu n'as pu abandonner ta miséricorde divine. Moi, je ne suis qu'un homme. Je puis aimer, admirer et adorer, mais je ne puis t'imiter. » Il se leva, tira la miniature de sa boîte et la jeta sur la pierre nue du foyer. Les figures de l'ivoire peint lui sourirent un moment pendant qu'il la regarda, avant de mettre son talon sur la miniature pour la réduire en atomes.